Comment ça va, Raymond? Ça va très bien. Ça va très bien, merci. Et puis, hey, tu voulais nous parler, j'étais hyper intéressé du sujet cette semaine parce que généralement, on ne fait pas le lien entre technologie de l'information et le sujet de cette semaine, c'est-à-dire l'agriculture. Donc, je te laisse en jaser. On va commencer avec l'irrigation assistée par ordinateur, mais une petite introduction auparavant. Oui, mais en fait, c'est simplement pour se dire, enfin, on pense souvent à l'idée, justement, comme tu le disais, Jérôme, que le numérique, ça s'applique dans les villes, mais évidemment, ça dépasse, ça déborde la frontière des villes, ça s'applique un peu partout. Et dans la perspective où les outils deviennent de plus en plus accessibles, que ce soit au niveau des prix, que ce soit au niveau de la facilité d'utilisation, ben nécessairement, à peu près toutes les professions vont avoir en cours de route des impacts en lien avec cette révolution-là au niveau du numérique. Et évidemment, bien, l'agriculture est concernée aussi par ça. Évidemment aussi, selon les régions, selon les personnes, eh bien, il y en a qui vont être peut-être un peu plus intéressés par ce type d'outils-là. Il y en a d'autres qui vont être plus intéressés par les savoirs plus traditionnels. Ouais. L'idée, évidemment, c'est pas non plus de dire que la technologie va remplacer ces savoirs-là, parce qu'il y a une part d'instinct. Oui. Tout le monde peut pas être un bon agriculteur. Et il y a pas d'appareils robotisés ou informatisés qui vont venir remplacer ce savoir-là. L'idée, c'est de venir l'appuyer, de venir le renforcer peut-être, et parallèlement de faciliter peut-être l'acquisition de ces connaissances-là. Un outil de plus. Plus, exactement. Et le premier que tu mentionnais, irrigation assistée par ordinateur, évidemment, un agriculteur sait de quelle manière irriguer ses terres, etc., etc., mais reste qu'il y a quand même des économies qui peuvent être faites. Il y a des données qui sont là, qu'on peut calculer, qui sont accessibles, mais si on y va un peu plus largement, il y a encore plus de données qui peuvent nous permettre d'avoir un calcul encore plus précis. Oui. Et donc, si on a des systèmes qui sont capables de mesurer de manière précise la température, de manière précise ce qui se passe dans la terre et le reste, eh bien, subitement, on peut peut-être arriver avec des outils qui vont limiter l'utilisation d'eau, la réduire les coûts liés à cette utilisation-là également. Donc, c'est un organisme qui s'appelle The Nature Conservancy, une organisation américaine qui teste depuis à peu près 2-3 ans là, des dispositifs inorants pour les cultivateurs d'orge en Géorgie. Donc, l'idée, c'est qu'avec les ordinateurs, on a donc ce système-là qui est en place et qui va aussi gérer un peu les flux d'eau. Ils ont réussi, ils disent en fait, à économiser à peu près 1 milliard de litres d'eau en 2 ans. Donc, c'est quand même pas mal non plus, là. Non, ce qui est très bien. Aussi, tu voulais parler de robots pour surveiller nos champs. Ça existe, ça? Mais ça existe, mais encore là, là on est un peu, des fois j'ai l'impression on est sur le pont entre la recherche et la science-fiction. On sait que l'irrigation taux variable, ça substitue l'intuition des agriculteurs et les données scientifiques liées justement à tout ça. Mais pourquoi pas l'élargir un peu et aller chercher des robots volants qui pourraient être les assistants des agriculteurs de demain. Donc, c'est une petite expérience qui a été menée par l'école d'ingénierie de Harvard qui a mis au point un petit robot qui s'appelle Robot Bee, un robot abeille. Et donc, l'idée, c'est, d'un côté, beaucoup de travail au niveau de la, de rendre des choses plus micro. Oui. Évidemment, c'est un appareil qui peut être pensé d'emblée plutôt pour des missions d'espionnage industriel, dronalisme. Bon, ça rentre un peu dans cette sphère-là. Mais évidemment, oui, on peut l'utiliser pour des éléments de stratégie. Oui. Mais pourquoi pas aussi aller vers d'autres types d'applications. Alors, ils ont pensé justement à un appui aux abeilles dans leur fonction de pollinisation des champs. On sait qu'il y a quand même beaucoup de réflexions aussi face à la présence d'abeilles de manière générale. Oui. Et les problèmes, la population d'abeilles est en baisse. Alors, est-ce que des robots abeilles pourraient venir donc les remplacer? Bon, peut-être, pourquoi pas. Sinon, il y a aussi des éléments liés au désherbage qui sont mis de l'avant. C'est quand on parle d'agriculteurs robotisés. Donc, des robots tueurs de mauvaises herbes avec du laser, en fait. Donc, l'idée, c'est qu'on a donc ces petits robots qui viendraient donc farfouiller, cibler différents types de plantes par reconnaissance et aller les tuer, les remplacer. Donc, des petits éléments comme ça, encore là, c'est pas nécessairement pour l'instant monétairement viable. Ça reste de l'expérimentation. Donc, voir la somme des possibles, peut-être éventuellement dans quelques dizaines d'années, mais ça deviendra des options peut-être un peu plus accessibles. Mais on sait que à la vitesse à laquelle la technologie avance, rien n'est impossible maintenant sur cette terre. On parle aussi de pourquoi pas surveiller la croissance des plantes grâce à l'infrarouge. Et ça, c'est l'option économique. Oui. Fait, parce qu'on parle de robots qui coûtent quand même assez cher. Oui, et là, oui, oui. On peut faire ça avec 10 $ essentiellement. C'est un projet sur lequel qui avait été mis de l'avant sur Kickstarter il y a quelques temps, qui est par le collectif citoyen qui s'appelle Public Lab, qui, eux, avaient créé, donc ça s'appelle Infragram. Et l'idée, c'est d'utiliser l'infrarouge comme aide au jardinage. Donc, évidemment, on parle pour 10 $ d'une aide peut-être au jardinage plus dans mon bac. Oui. À la maison, pour un peu plus cher, mais probablement que ça serait possible aussi de l'étendre de manière générale au champ. Bon, pourquoi de l'infrarouge? On nous explique, c'est que les plantes absorbent la lumière bleue et rouge lors de la photosynthèse, mais rejettent l'infrarouge. Okay. Donc, en observant les réjections à travers la caméra infrarouge, on peut voir comment les plantes convertissent le soleil en énergie et donc mesurer leur santé. Si ça se passe bien, si les couleurs sont bonnes, si on voit que le processus se fait, ben notre plante est en santé. Si, par contre, il y a des zones de cette plante-là, peut-être, qui réussissent pas à bien faire cette opération-là, ben peut-être que ça va aider au niveau des coupes pour garder la plante en santé, au niveau de l'appui, etc., etc. Donc, ou couper wow. en fonction des points de croissance. Et tout ça pour moins de 10 euros. Donc, je dis 10 $, 10 euros, donc mettons 15 $, ce qui est quand même pas si mal. Et évidemment, c'est pour un filtre qu'on ajoute à une caméra. Après ça, il y a différentes options qui sont lancées. Mais il reste que, pour relativement peu cher, on peut aller chercher un premier témoignage donc sur un petit jardin. Si on parle de plus grand champ, ben, on imagine qu'on peut quand même prendre des photos localisées, puis éventuellement, si on voit qu'il y a un problème, ben, aller plutôt du côté aérien, par exemple. Mais ça, tu me parles de ça, puis ça me fait croire que peut-être que l'agriculture va devenir un jeu pour les nouvelles générations, et puis peut-être que c'est ce qui manque pour intéresser les nouvelles générations à l'agriculture. Mmh. Et justement, ça devient pas un jeu sérieux, l'agriculture. Oui, on est un peu loin de Farmville. Avec... Ouais, on est un peu loin de Farmville, mais quand même, nourrir son monde à partir d'un jeu sérieux, c'est peut-être l'image qu'on peut se faire de l'agriculture de demain. Exactement, mais dans la mesure où, un peu comme dans tous les domaines, les jeux sérieux deviennent un outil quand même assez intéressant pour permettre aux gens d'apprendre. Donc, ce n'est pas des jeux qui sont faits pour être purement ludiques. C'est des jeux qui sont basés sur une simulation extrêmement réaliste, extrêmement précise de tout ça. Et donc, il y a des formations qui ont été créées au niveau de l'agriculture également. Donc, on parle d'un Farmville hyper réaliste. Ouais. Hyper réaliste on pourrait pratiquement parler de simulateur. Oui, ouais, c'est une simulation. Ouais. Je pense que c'est carrément une simulation. Ça s'appelle Farm Defenders. Ça a été fondé, d'ailleurs, financé par la fondation Gates, Bill and Melinda Gates. Mm-hmm. Donc, l'idée, c'est que le jeu couvre des centaines d'aspects de la gestion d'une ferme de manière très réaliste. Donc, la nature du sol de chaque village, les conditions météorologiques en temps réel, simuler la vente des denrées à une coopérative aux consommateurs. Donc, stockage, risque de stockage, température, type d'outils utilisés pour la production, différents problèmes reliés à ça, des maladies. Donc, vraiment, tout est pris en compte. Wow. Pour avoir une simulation qui est la plus précise possible de l'agriculture. Donc, le genre de simulation, un peu comme à l'Université Laval, il y a des simulations qui ont été développées, par exemple, pour la chaîne d'approvisionnement logistique de l'industrie du bois. Ça avait gagné des prix il y a quelques années. Ça s'appelle le jeu du bois. Eh bien, avec cette simulation-là, on peut carrément apprendre à gérer une entreprise, une chaîne d'approvisionnement. Ben, avec Farm Defenders, on peut apprendre à gérer essentiellement une ferme, du moins le B.A.B.A., ou voir si... On a une certaine capacité à le faire, peut-être aussi. C'est quand même assez fascinant de voir qu'on est capable de pousser à ce point-là maintenant les données. Et parlant de données, pourquoi pas un partage des données grâce au web? Oui, mais en fait, souvent, les agriculteurs donc connaissent leurs voisins, connaissent un peu leur environnement immédiat, mais on n'a pas toujours le temps d'aller réseauter avec des agriculteurs de manière un peu plus large. Et des fois aussi, ça devient difficile. Bon, oui, on peut se comparer avec les gens qui sont autour de nous, mais d'aller chercher quand même des données régionales peut-être un peu plus précises pour voir s'il y a une tendance, si c'est pas limité à ma ferme, si ça est étendu sur toutes les fermes de la région. Alors, il y a des groupes, des ONG, le Community Knowledge Worker notamment, qui ont mis de l'avant des ressources web où les agriculteurs peuvent justement mettre les données qu'ils ont récoltées. C'est colligé dans différentes fermes, plusieurs participants. Donc, subitement, on a une vision régionale quand même assez précise. On a aussi un outil de partage, dans le fond, des pratiques, de partage des approches, des réflexions. Donc, subitement, on vient renforcer peut-être les communautés agricoles qui sont déjà existantes. Et évidemment, mais ça veut dire aussi que des fois, on a une région qui a un problème X. On n'a pas nécessairement de solution ou on essaie différentes solutions, mais on peut se rendre compte qu'il y a d'autres régions qui ont des conditions similaires, qui vivent une situation similaire et donc qui peuvent avoir un partage qui dépasse aussi des frontières d'une région ou d'une localité. Fascinant, fascinant. Ça semble tellement dur, le monde de l'agriculture. Il me semble que ce serait des... Ben oui, effectivement, ça aiderait les agriculteurs à peut-être, potentiellement, prendre une journée de congé une fois de temps en temps. Ça serait peut-être un petit peu plus attirant pour les prochaines générations de s'aventurer dans le merveilleux monde de l'agriculture. Raymond Poirier, vous êtes le poète des technologies de l'information. Où est-ce qu'on peut vous rejoindre? Itis.ulaval.ca ou sur Twitter @itis_ul.